Saliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti FNL, Front National pour la Liberté, Amizero Yabarundi en quête d'agrément, ne ressemble en rien avec le FNL, Force Nationale de Libération. Le premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Agathon Rwasa, réagit ici aux accusations de Jacques Bigirimana hier lundi, qui disait que l'on veut lui prendre sa formation politique. Vous l'entendrez. On parlera dans ce journal d'une recrudescence de l'intolérance politique en séjour dans les provinces de Kayanza et Ngozi au nord du pays entre les membres de la coalition Amizero Yabarundi et des Imbonerakure du CNDD-FDD au pouvoir, des malentendus qui vont même jusqu'à des confrontations, nous dira notre correspondant Apollinaire Muzagara. Dans ce journal également, l'administrateur communal de Mugamba a été suspendu de ses fonctions depuis hier lundi. Il serait un mauvais gestionnaire des comptes de sa commune. Et en international, c'est notamment au Gabon où la campagne électorale pour les élections législatives et locales s'est ouverte lundi 24 septembre. Les candidats ont 10 jours pour convaincre les électeurs. Et puis vous aurez droit à la chronique santé où on parlera de l'éléphantiasis ou podoconiose, une maladie fréquente et surtout chez des personnes marchant pieds nus sur un sol sable bleu ou volcanique. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le parti FNL ne ressemble en rien avec celui de FNL Amizero Yabarundi, dont le député Agathon Rwasa a demandé l'agrément au ministère de l'Intérieur. Concernant les symboles et autres insignes de ce parti, Agathon Rwasa dit que le dossier qu'il a déposé est toujours confidentiel au ministère de tutelle et se pose la question de savoir comment le président des FNL, Jacques Bigirimana, a vu ce dossier. Agathon Rwasa rejette aussi en bloc les accusations selon lesquelles il serait en train de préparer la guerre. Suivez. Le dossier que nous avons déposé au ministère de l'Intérieur, nous ne l'avons pas déposé devant son bureau. Donc, il ne sait rien par rapport à ce dossier-là. Et puis, je pense que l'alphabet français, ce n'est pas notre invention, ce n'est pas son invention à lui. Les couleurs de la nature, c'est la création de Dieu, ce n'est pas sa création à lui, au point qu'il puisse dire qu'il y a usurpation. Je vous donne un petit exemple. Les couleurs du drapeau français, par exemple, ce sont les mêmes que les drapeaux du drapeau néerlandais, du drapeau russe, mais on n'a jamais entendu une querelle entre ces États-là, parce que chaque État donne une signification à ses couleurs et les range comme il veut, selon ce qu'il croit et ce qu'il veut exprimer. Donc, on ne devrait pas entendre de ces querelles-là. Et puis, son discours de dire que Rwasa s'est en vente en guerre, c'est trop simpliste. Je pense que le dossier que nous avons déposé au ministère de l'Intérieur, c'est un dossier qui est complet et nous attendons la réaction du ministère. Il n'a pas à faire pression sur quiconque pour traiter dans ce sens ou dans l'autre ce dossier-là. Il y a d'autres partis avec les mêmes sigles. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas eux qui se lèvent et montent au créneau? J'en ai même entendu, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec moi? Ils ont leur parti. Si réellement ils croient qu'ils ont des partis, ils n'ont qu'à attendre le moment de la compétition. Vous jugez qu'il n'y a aucune ressemblance, que ce soit au niveau des noms, que ce soit au niveau des emblèmes ou des drapeaux, entre le FNL dirigé par Jacques Bigirimana et dont vous êtes ancien membre, et le nouveau parti FNL dont vous demandez l'agrément au ministère de tutelle? Il n'y a pas de ressemblance. Attendons, quand le ministère se prononcera, on pourra rendre public ce que nous avons déposé au ministère. Et on verra que notre drapeau ne ressemble pas à celui de Jacques. Nos signes, notre emblème et autres n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Et on verra que c'est vraiment original. Donc, il ne devrait pas s'essouffler. Il aurait plutôt intérêt à garder son souffle pour que le temps venu, on entre en compétition et qu'il puisse prouver aux Burundais si réellement il est dans la place qu'il faut. Le député Agathon Rwasa réagit après que Jacques Bigirimana, président du parti FNL, Force Nationale pour la Libération, ait accusé cet élu du peuple d'avoir l'intention d'usurper le nom de son parti. Recrudescence de l'intolérance politique ces jours-ci dans les provinces de Ngozi et Kayanza au nord entre les membres de la coalition Amizero Yabarundi et Imbonerakure du parti CNDD-FDD au pouvoir. Des malentendus allant même à des confrontations se manifestent souvent comme les cas de ce week-end en commune Gashikanwa et Rango. Certains administratifs à la base disent compter multiplier des séances de sensibilisation entre les deux partis. Apollinaire Muzagara. Les représentants de cette coalition Amizero Barundi dans ces deux provinces parlent de la chasse à l'homme faite par certains Imbonerakure à l'endroit de leurs militants. Ils donnent l'exemple de ce week-end où une certaine Aisha Nkeshimana, chargée de l'information au sein de cette coalition en commune Gashikanwa, a été battue puis conduite au cachot de la position policière d'Ogato. La même nuit, sur une autre colline, le domicile d'un certain André Mudiango, représentant Amizero Barundi à Rusengo, a été encerclé toute la nuit, selon eux, par des Imbonerakure. En commune Rango de la province Kayanza, le responsable de la coalition Amizero Barundi en zone Kabuye, Richard Ndagijimana, a été tabassé ce week-end, toujours selon le représentant de cette coalition, par ces jeunes du parti au pouvoir. Il y a deux semaines, en commune Kiremba de la province Ngozi, les deux partis se sont affrontés jusqu'à l'hospitalisation de deux fidèles d'Amizero Barundi. L'un a été transféré à Bujumbura car son œil a été très endommagé. Les responsables des jeunes Imbonerakure cités parlent de leur côté qu'ils se défendent contre les attaques des partisans d'Amizero et vice-versa. Les administratifs à la base concernés envisagent de multiplier des réunions à l'endroit des deux blocs pour calmer leurs esprits. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Merci Apollinaire. Suspension dans ses fonctions de l'administrateur communal de Mugamba en province de Bururi depuis ce lundi. Le ministre de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local qui a pris cette mesure accuse cet administrateur communal de mauvais gestionnaire des comptes communaux, surtout l'argent représentant les taxes que l'Office du thé du Burundi, Tora, a versé à la commune. Jean-Pierre Misago. Comme cela transparaît dans l'ordonnance ministérielle sortie ce lundi, deux rapports, à savoir celui de la commission ad hoc provinciale qui avait pour mission d'élucider sur les finances de la commune Mugamba et celui de la commission désignée par le cabinet du ministre de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local qui avait pour objet de faire le contrôle des finances de la commune Mugamba, en particulier sur l'utilisation des fonds représentant les taxes sur les feuilles vertes du thé avait été versé par le complexe théicole de Tora au compte de la commune Mugamba, ont guidé cette mesure, suspendant Anice Nyonzima dans ses fonctions d'administrateur communal de Mugamba pendant 3 mois. Selon le ministre Pascal Balandagié qui a sorti cette ordonnance ce lundi, ces deux rapports prouvent que des montants d'argent ont été retirés sur les comptes de la commune Mugamba ouverts à la banque au bout et méritent des éclaircissements de la part des gestionnaires de la commune Mugamba, en l'occurrence l'administrateur communal de Mugamba. Par ailleurs, selon cette ordonnance, l'administrateur communal de Mugamba n'a rien signalé comme irrégularité dans la gestion des fonds de la commune Mugamba, en particulier les fonds versés par l'OTB Tora. Et non seulement cette attitude relève de l'irresponsabilité, mais aussi il s'agit d'une faute lourde sanctionnée par une suspension. On a cherché la réaction de l'administrateur communal de Mugamba sans succès. Des sources au cabinet du gouverneur de Bururi indiquent qu'une somme de plus de 30 millions de francs burundais serait retirée irrégulièrement des comptes de la commune Mugamba. Entre-temps, le conseiller technique chargé des questions administratives et sociales est désigné par cette ordonnance pour assurer l'intérim d'administrateur communal de Mugamba. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Plus de 37 800 Burundais ont regagné le pays natal venant des camps de réfugiés de la Tanzanie de janvier au 20 septembre de cette année. Les précisions sont du porte-parole et du ministère et assistant du ministre de l'Intérieur. Terence Nailage a fait savoir que l'objectif escompté de rapatrier 72 000 Burundais à la fin de cette année ne sera pas atteint. Monsieur Nailage a précisé en outre qu'après la tripartite de mars de cette année, Burundi, Tanzanie, HCR, le rapatriement de 2000 Burundais par semaine n'a pas été effectif, faute de moyens logistiques du Haut Commissariat pour les réfugiés. Suivez-les. Du mois de janvier au juin 2018, nous avons déjà accueilli 21 370 qui sont répartis en 6 819 ménages. Et puis, de juillet à aujourd'hui, donc jusqu'au 20 septembre, nous avons déjà accueilli 16 491 répartis en 5 336 ménages. Si on additionne les deux, c'est plus de 37 800 et quelques rapatriés burundais facilités qui sont déjà rentrés justement au cours de l'année 2018. Avec la tripartite de mars, vous vous étiez convenu de faire rentrer 2000 personnes par semaine à raison de 2 convois de 1000 et atteindre ainsi 72 000 à la fin de cette année. Êtes-vous confiant que les 72 000 seront rentrés vis-à-vis de cet effectif avec ce mois de septembre? Effectivement, l'objectif était de rapatrier en moyenne 2000 personnes par semaine. Mais malheureusement, faute de moyens logistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'HCR en sigle, on n'a pas pu atteindre ces effectifs par semaine. C'est plus de 1000, mais c'est inférieur à 2000. C'est pourquoi donc le chiffre n'a pas été atteint. Parfois même inférieur à 1000 par semaine. Et ce qui fait que justement, l'objectif escompté n'est pas atteint. Et je n'ai pas l'espoir que vraiment on pourra atteindre 72 000 pendant les quelques mois qui restent pour terminer l'année. C'est pourquoi je lance un appel pressant au HCR de bien pouvoir augmenter les moyens logistiques pour qu'en fin de compte, on puisse répondre aux objectifs qu'on s'était fixés lors de la deuxième tripartite du mars 2018. Selon une certaine opinion, suite à une insécurité qui serait sur le territoire burundais, ces Burundais qui sont sur le sol tanzanien craignent pour leur sécurité une fois de retour. Quel message leur lancez-vous? Par contre, il y a l'insécurité qui craignait plutôt au cas des réfugiés et en Tanzanie. Souvenez-vous, l'année passée, on y a ramassé beaucoup d'armes à feu qui sont cachées. Et parmi les réfugiés, il y a également quelques maisons qui ont été même brûlées dans le cas des réfugiés. C'est plutôt leur cas. Ce sont ces cas qui sont insécurisés. Il faudrait que ces Burundais plutôt rentrent au pays. Et je leur demandais de rentrer, de prendre la décision finale de retourner au Berkay. Pourquoi? Parce que au Burundi, c'est la paix et la sécurité qui règne. Je leur demandais de rentrer et plutôt de fuir cette insécurité qui règne dans les cas des réfugiés. Ce mardi, 1020 Burundais viennent de rentrer volontairement du camp de Nduta en Tanzanie, le poste frontalier de Gisuru à Ruyigi, selon des informations en provenance de la police nationale. Le délai d'un mois accordé par le Sénat burundais aux éleveurs de porcs se trouvant au lycée Reine de la Paix d'Ongagala Bujumbura est court pour pouvoir déménager. Cela est dit par certains de ces éleveurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro. Ils demandent que le délai soit prolongé pour être fixé à au moins 6 mois pour évacuer leur port. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est au lycée l'aîné de la Pengagara, un des endroits où on élève les porcs à mairie de Bujumbura. Certains de ces éleveurs disent qu'ils ont mal accueilli cette mesure qui stipule que tous les porcs élevés à mairie de Bujumbura doivent être évacués dans un délai ne dépassant pas un mois. Nous avons appris avec amertume même cette décision, puisque c'est une décision qui vient d'une manière imprévue. Nous ne sommes pas informés d'avance pour chercher là où on peut évacuer nos porcs. C'est une conséquence nette qui se remarque maintenant même. Un des travailleurs chargés de l'entretien de ces porcs dit qu'il ne sera pas facile de vivre en ville suite à cette décision. Il devrait y avoir un ordre de la part de la police et mettre en place un numéro vert pour appeler au cas où celui qui amène les déchets ici est attrapé, pour qu'il puisse être puni. Sinon, il l'attrape et appelé, il est relaxé et il rencontre ici même. Donc, ils deviennent ses ennemis. C'est pourquoi il préfère laisser les choses comme ça pour se protéger. Et après, selon l'un des habitants environnants, il a bien accueilli. Nous nous excusons de cette imperfection de cet élément sonore. Les taximotos qui déplacent les clients à partir de la zone et commune Lusaka en province de Mwaro ont été interdits de travailler. Cette mesure provisoire a été prise par l'administrateur communal de Lusaka, Bernardine Nduimana, expliquant que les propriétaires de ces taximotos n'ont pas payé la taxe communale. Les passagers ayant l'habitude de se déplacer à l'aide de ces motos déplorent cette décision de l'administration communale, ce qui leur cause parfois des retards. Actualité internationale. En actualité internationale, au Gabon, la campagne électorale pour les élections législatives et locales et jumelées du 6 octobre prochain s'est ouverte ce mardi 25 septembre 2018. Les candidats ont donc 10 jours pour convaincre les électeurs. Cependant, plusieurs d'entre eux ne participeront pas au scrutin. Saisie dans le cadre du contentieux électoral, la Cour constitutionnelle a invalidé 33 candidatures en majorité de l'opposition. Et au Mali, alors que Soumaïla Cissé, candidat malheureux, heureux du second tour, ne reconnaît pas la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'homme d'affaires Aliou Diallo, arrivé en troisième position, s'est exprimé lundi 24 septembre. Pour lui et ses partisans, il faut tourner la page de l'élection présidentielle. Richard Koubgaroukila. Au Gabon, la décision de la Cour constitutionnelle d'invalider certaines candidatures pour les législatives d'ici octobre est tombée comme un arrêt de mort pour les 33 candidats qui en ont été victimes. Tous les états-majors des partis politiques qui ont été frappés sont restés tétanisés car les décisions de cette institution sont incontestables et sans recours. Le cas le plus emblématique est celui de l'opposante Chantal Miboto Gonjou, ancienne maîtresse de l'ex-président Omar Bongo, qui avait le vent en poupe dans le premier arrondissement de Libreville, la capitale. Lors d'une très brève conférence de presse, elle a exprimé son dépit. La Cour a pris sa décision, tant mieux pour la Cour, a déclaré Chantal Miboto Gonjou. Le rassemblement héritage et modernité de l'opposant Alexandre Baron-Chambrier et le parti social-démocrate du vice-président de la République Pierre Claver Maganga Moussavou sont les partis qui ont connu le plus grand nombre d'invalidations. Le Centre des libéraux et des réformateurs de Jean-Boniface Asselé, l'oncle d'Ali Bongo, a aussi perdu les candidats. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir n'a perdu qu'une liste. La Cour constitutionnelle a été vilipendée ce 24 septembre. Dans une tribune publiée dans la presse, 22 intellectuels ont critiqué cette institution pour avoir imposé une caution obligatoire pour tout citoyen désirant lui déposer un recours, 5 millions de francs CFA, soit une somme de 700 000 euros pour contester une élection présidentielle contre 500 000 pour les autres scrutins. Farouche opposant du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'homme d'affaires Aliou Diallo, troisième homme à la présidentielle de cet été, reconnaît aujourd'hui les résultats de ce scrutin et demande même à tout le monde de tourner la page. Selon lui, la réalité institutionnelle, la réalité légale est que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi, explique son porte-parole Cheikh Oumar Diallo. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'éléphantiasis ou la podoconiose. Elle est surtout fréquente chez des personnes marchant pieds nus sur un sol sableux ou volcanique. Le docteur Victor Boutchoumi, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales intégrées, fait savoir que cette maladie de la peau est moins connue au Burundi, raison pour laquelle les médecins et la population doivent être informés. Francine Ndéokoubgaï. Considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des maladies tropicales négligées, la podoconiose est peu connue au Burundi. Le docteur Victor Boutchoumi, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées et la cécité au Burundi, définit la podoconiose comme étant une maladie géochimique, symbolisé principalement par le gonflement des jambes. C'est une maladie chronique que l'on appelle aussi un lymphoédème non infectieux. C'est une maladie géochimique qui est attrapée suite à l'exposition prolongée au sol argilé rouge ou volcanique qui est beaucoup plus présente dans nos régions tropicales ou intertropicales. Cette pénétration va gêner la circulation lymphatique, ce qui aboutit à la déformation du membre inférieur qui va se gonfler et avoir un aspect qui montre une personne presque déformée au niveau des membres inférieurs. Le diagnostic repose sur l'inspection de la personne, mais d'autres examens sanguins s'avèrent nécessaires pour différencier la podoconiose d'autres maladies. Pour diagnostiquer la maladie, d'abord c'est la clinique, l'inspection de la personne. Et puis la palpation, on va confirmer par prélèvement. Il y a des examens sanguins que l'on fait sur la personne pour différencier cette maladie d'une autre maladie que l'on appelle filariose lymphatique, qui a presque les mêmes signes que la podoconiose. Cette maladie non contagieuse peut quand même entraîner certaines graves complications, selon toujours le docteur Victor Boutchoumi. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Elle n'est causée par aucun germe ou agent pathogène. Les deux jambes sont gonflées. Et à la longue, la gêne à la circulation lymphatique peut aussi atteindre d'autres organes, notamment les bourses qui est la région génitale de l'homme, ou même de la femme. Pour les gens qui ne sont pas traités, les premières complications, c'est que les gens vont devenir sédentaires, ne peuvent plus bouger de chez eux, et à la longue, avec la gêne à la circulation sanguine, ça peut conduire même au décès. Ce directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées et la cécité au Burundi estime que pour mieux traiter la maladie, le personnel soignant devrait être formé sur sa prise en charge. Nous sommes en train de préparer une cartographie, c'est-à-dire la répartition des cas de podoconiose sur le territoire national. Et après avoir rassemblé le nombre de cas de gens qui peuvent être concernés par cette maladie, nous prévoyons faire une formation recyclage pour le personnel soignant, puisque la plupart ne savent pas comment prendre en charge de tels cas, puisque ce sont des cas qui sont des maladies négligées, donc qui sont négligées par eux-mêmes les patients, eux-mêmes les prestataires. Donc, alors que ce sont des maladies qu'on peut bel et bien traité et guérir. Docteur Victor Wuchumi suggère comme meilleur moyen de prévention des cas de podoconiose le port des chaussures ou autres protections des pieds. Nous nous excusons de la qualité sonore de cet élément qui met fin à ce journal et merci de nous avoir suivis. Merci également à Eli Kadogo pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.